يرين الجراز يرين يرين يرين لا سي بيان يرين مضارع ولا لا بون تو دي سو تون يرين الجا الجراز فيقوم سي كو كي سون لا سونيت مفهوم مي سي سي كي كي في لاكسيون سي لوي اي لي فاعل يرين الجراز الجراز فيقوم مرون مروان مروان ويفتح الباب وتدخل سي كي كوفر لا بورت مروان هي لا شوز كي اوفر سي لا بورت الباب وتدخل اخواته اخواته نعم يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل اخواته طيب يرن سي الفعل فعل الجرس فاعل طيب رن سي الفيرب سوني الجرس سي لا سونيت فيقوم مروان يقوم فعل مضارع مروان اللي فاعل مفهوم سيلي كي كي سلاف ويفتح الباب من الذي فتح الباب مروان اين الفاعل هنا هو طيب ان شاء الله الباب مفعول به وتدخل اخواته تدخل فعل مضارع واخواته سي سي سيخ طيب لو ضمير سي كي سي كوا مفعول به كي ريفيان مروان طيب كوم سي دي نوفو تان سي بور سا ان شاء الله اون فيرا ابري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة أمشيتن؟ أمشيتن أم ذهب أم ذهبتن بس؟ لا بي. Non. Tu vois Kamel, ça, si le mot est bien appris, tu te trompes pas là. Mais faut, c'est compris ça? C'est-à-dire si Yara maintenant, il faut que tu l'apprennes par cœur, même sans les tashkil. C'est-à-dire que le bas ici, il n'aurait pas pu te tromper. Bidnillah. Tu aurais su que c'était quoi? Bisi Yarati, directement. Mais faut, mes frères, c'est pour ça, les mots, apprenez-les par cœur. T'as نعم طيب مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا وهو بين المسجد والمدرسة أوجدت سيبين ما شاء الله أوجدتنها أوجدتنها في البيت نعم وجدناها جلسنا عندها ثلاث ساعتين لا با ثلاثة ثلث ساعة ثلث ساعتين وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة أرأيتن المكنسة لا أرأيتهن أرأيتهن لا بخومي سي استفهام أرأيتن أرأيتن أرأيتهن أرأيتن المكنسة يا بناتي لا يا بنات بحثت عنها كثير وما وجدتها نعم أريتن المكنسة يا بنات بحثت عنها كثيرا وما وجدتها أنا وضعتها تحت السلمي نعم هذا الصباح هذا صباح نعم أنا وضعتها تحت السلمي هذا الصباح يا أمي أفي ثلاجة ماء بريد بارد بارد نحن عطاش خبيا أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقالي وعصير عصير parce qu'il est مضاف et le mot d'après مضاف إليه alors répète أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقالي نعم طيب les mots pas compris vous donnez le nom et la ligne comme ça ça va vite بسم الله tu es compris أبشر réjouis-toi c'est le dernier mot نعم il a dit Yaoumi afit thallajati ma'un baridun il demande à sa maman est-ce que dans le frigidaire il y a de l'eau fraîche nahnu itash on est assoiffé elle lui a dit abshir réjouis-toi fiha ma'un baridun c'est-à-dire il y a de l'eau fraîche wa asir bourtoukal et du jus d'orange نعم tu as dit d'accord alors qadamu كرة القدم فوتبول لأن الكرة سي لابال القدم سي البي كرة سي لابال فوالا وكرة سلة الكرة سي لابال والسلة سي البانيي كما vous savez le basketball c'est le panier en lui-même طيب هيك الباسكت en anglais c'est quoi ça c'est pas le panier moi je connais pas le ball c'est la balle le basket c'est quoi c'est panier aussi ah بارك الله فيك غلاف c'est couverture. Couverture pas pour dormir. C'est la couverture d'un livre. Me fous mal à ça ? Ghilaf. Ghilafoun. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? La première colonne, la 9e ligne. C'est qui ? C'est l'Ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la station de radio ? Oui, non. Assemi'atoum al-Akhbar. Les informations min al-Ida'a. La radio, non. الأخبار سي البريال دو خبر فينيسيا نعم بريحة البريحة سيخ طيب البريحة سيخ سواخ طيب مش كنفير مغيسا بارابور على كوا ونيفوزين فايدة سي الألف واللام في البارحة سي لانوي ديخ مفهوم هذا البارحة سي الألف واللام معنى لانوي ديخ طيب إن شاء الله سكي كذي المكنسة لا تتراجوش مولا ديجا بالي طيب مكنساتون et ça on le verra dans le 3 comme j'ai dit un dos très intéressant le verbe en lui-même c'est quoi tout le monde connaît non comment on dit balayer kanasa kanastu al-ghurfa kanastu al-masjid l'ism al-ala l'outil c'est quoi mikinasa fumada طيب c'est toi même si maintenant tu as compris un peu ce que je viens de dire chaque fois tu verras un outil tu peux trouver le verbe hada wal asl mfhom misaad l'escalator. C'est quoi si tu enlèves le mime, qu'est-ce qui te reste Saïd. Mais Fumada, vous avez compris ça? Plein de choses. Par exemple, la si, on dit minchar. Si j'enlève le mime, nashara. Mais Fumada, après, il a plusieurs sens. Par exemple, on dit mitraqatun. Vous la demandez souvent, le mitraqa. Si on enlève le mime, taraqa. Et après, il y a des exceptions comme alfas. Là, par exemple, la pioche, il n'y a pas le verbe en lui-même. Il y a certains outils, ils n'ont pas de verbe. Non. Il y a bien une personne avec la main. Là, c'est le Kora. À Lyon, on ne joue pas avec le jour. C'est un darf. C'est-à-dire dans la journée. Taïb. La imna, le Kora. Kora, le Qadam, il est mef'ul bin. Taïb. Il y a d'autres mots ? Abdallah ? Abdel Karim ? Tu as compris? Je vais. Parce qu'il y en a beaucoup. On n'a pas compris. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de mal. C'est bon? Rilef, on a dit, ouais, c'est la couverture d'un livre, pas la couverture avec laquelle on pour dormir. On a dit ça. Comme ça veut dire hier soir, il se dit souvent avec Alif Lam ou pas? Non, c'est pour ça que je dis avec Alif Lam. Tu vois, et je vous confirmerai, Inch'Allah. Darf Zaman. Al-Suhouf, c'est les journaux. Naam. Ici. Batania is. Non. C'est bon, Inch'Allah? Il a Huna. Oh, Allah, c'est cool.